Chapitre 10. C'était l'hiver, c'était décembre, c'était la saison noire et glaçante, plus triste, plus effrayante en cette pointe extrême de Bretagne, en cette fin de terre que partout ailleurs. La petite pendule placée dans la chambre des signaux, cette espèce de cage de verre garnie de fenêtres tout autour, d'où se manœuvre le télégraphe aérien de la pointe des Pois, venait de sonner 9 heures. Mais le jour gris et blanchâtre du dehors ne semblait pas le vrai jour. Tout est blanc, de ce blanc cotonneux et fluide de la brume. On ne voit ni le ciel, ni la mer, ni la terre, si ce n'est par échappée rapide, apparition aussi vite envolée que montrée. C'est en vain que Yves Dagorn, essuyant les larmes qui troublent ses yeux, va d'une fenêtre à l'autre, essayant d'apercevoir quelque chose. Un mur opaque s'applique implacable contre les vitres et arrête les regards. Dans son cerveau, là, le même brouillard persistant. Dans son cœur, la glace anéantissante de ce jour funèbre. Il lui semble à lui, le pauvre être affligé, que la nature porte le deuil, qu'elle ait voulu s'ensevelir dans ce linceul aussi blanc, aussi impénétrable, aussi froid, que le drap de toile qui enveloppe pour l'éternité le corps de Louise Dagorn, sa bien-aimée femme, immobile sur le lit de mort et attendant la bière de sapin où on va l'enfermer pour dormir son dernier sommeil. Par instant, le grand rideau uniforme se déplace, se divise en bandes molles et l'on aperçoit tout à coup un fragment de falaise, un bout de lande rocailleuse, une surface miroitante, un coin de ciel, un jet d'écume sur le noir luisant d'un écueil. Un incessant grondement monte tout autour du sémaphore, plus distinct, plus sauvage, au milieu de cet ensevelissement absolu qui aveugle les yeux et double l'acuité de l'ouïe. On se croirait dans quelque îlot désert, perdu au milieu de l'océan, sur quelque navire immobilisé par un rocher que bat follement le flot bouillonnant, et le mât aux signaux avec ses cordages complète l'illusion hallucinante. Des cris aigres, des plaintes rauques déchirent ce silence, volent çà et là, on ne sait où, venant on ne sait de quel point, et le coup de vent de grandes ailes siffle mystérieusement, sans qu'on puisse rien apercevoir. On dirait quelque rite sanglant s'accomplissant là, tout près, et que ces appels de cormorans, de mouettes ou de goélands soient le râle intermittent, demi-étouffé de victimes humaines sacrifiées à un culte barbare. Puis, des voix sortent du brouillard humide, des pas trébuchent sur les granits du sentier, et des hommes, semblables à de lugubres fantômes, dessinent de vagues formes qui se heurtent aux marches de pierre avant de s'engouffrer sous la petite porte de la maisonnette. Le charpentier et ses ouvriers viennent d'apporter le cercueil. Ils se mettent à leur besogne. Un bruit de marteau et de clous résonne caverneux entre les murs. Yves Dagorn est sorti comme un fou, ne pouvant entendre l'horrible chose, et, dehors, tête nue sous la bruine qui frôle comme une toile d'araignée son visage, les mains tordues par une crise de désespoir, il sanglote éperdument, mêlant sa plainte d'homme à la plainte éternelle de l'Atlantique. Des tintements de cloches qui se prolongent, traînent et meurent par-dessus la lande, paraissent se transmettre étouffés à travers une ouate légère. Le malheureux se redresse, écoute, des larmes croulantes sur ses joues. La respiration comme suspendue, son doigt levé, et balbutie. L'église, le glas. C'est l'heure. Il va falloir faire appel à tout son courage, à toutes ses forces, pour l'horrible cérémonie. On va venir la prendre, l'emporter pour toujours. Déjà quelque chose de sourd accompagne la langue de fer de la cloche battant sinistrement le bronze. Déjà des chants lointains roulent là-bas, au fond des épaisseurs blanches, et cela se rapproche, s'accentue, plus vibrant. Un coup de vent éclaircit un peu le brouillard, l'enlève et le tient suspendu à quelques mètres sur les mousses, les rocailles. On distingue dans le bas l'anse du Vérillac, les varechs trempés d'écume, des crêtes floconneuses de grosses vagues, se jetant au pied des falaises de granit, et c'est vers l'Agathiar, la croix d'argent qui se dresse d'abord, tenue haut par son porteur. Derrière lui les prêtres, les chantres, un flot noir d'amis, de femmes, ceux de Camaret. Un nouveau souffle venu de la mer, et tout disparaît encore sous des brumes plus épaisses, amenées du large. Yves Dagorne peut croire un instant qu'il a rêvé, que ce n'est pas vrai, qu'une fantasmagorie a troublé ses prunelles. Les chants s'accentuent, plus graves, plus tonnants, et le nuage blanc crève brutalement, laissant voir le cortège, à présent tout près de la maison. Le malheureux n'a que le temps de rentrer chez lui pour donner un dernier adieu à celle qui va le quitter et pour achever de s'habiller afin de l'accompagner à la demeure définitive pour la rendre à la terre qui la réclame. Tout est prêt. La brume ensevelit la pointe de Penhir, enveloppe les assistants, flotte en buée neigeuse au-dessus du cercueil caché sous le drap noir, se glisse entre les groupes, se répand en fumée autour des longues mantes noires et plissées, à plis serrés contre les épaules, les mantes à capuchon qui tombent jusqu'aux pieds, formant le costume particulier des veuves et des femmes se rendant aux enterrements à Camaret. Les chants ont repris, nourris, sonores, n'ayant plus l'essoufflement de la montée, et sont accompagnés par la basse grondeuse de la mer hurlant dans les roches, par les longs cris pleureurs des tas de poids. Avec ce ciel gris, ardoisé, que des trouées ont permis d'entrevoir, avec ce sombre océan, tout le pays prend un caractère spécial, sa vraie physionomie bretonne, où se mélange toujours du mystère, le vague des teintes grises, des temps pluvieux, des brumes, derrière lesquelles les druides abritaient autrefois la religion. Les voix secrètes jaillissent du sein des cavernes ténébreuses, du milieu des granitiques écueils sacrés, à travers le bris grondant des vagues, dans les cavités rocheuses, dans les grottes saintes. L'enterrement de la pauvre petite femme de cet humble gardien de sémaphore semble l'accomplissement de quelques vieilles cérémonies celtiques, déroulant son cortège sur le vieux sol d'Armorique, dans la saisissante complicité des brumes surnaturelles, au bruit heurté des flots furieux. Refoulant ses larmes, raidit dans sa douleur, ses larges épaules de matelot serrées dans une courte redingote de drap noir commun, sa casquette à encre d'or à la main, le visage absolument rasé de frais, comme une dernière toilette pour faire honneur à la défunte, Yves Dagorne marchait le premier après les porteurs et s'efforçait de ne regarder personne, de ne pas penser, afin de ne pas laisser éclater tout haut son désespoir. Il fixait obstinément de ses yeux troubles quelques menues fleurettes, des bruyères roses, des feuilles vertes, accrochées dans les plis du drap mortuaire, et allait, machinalement, à pied butant parmi les pierres de la route. Derrière lui, presque immédiatement, après un de ses frères établi voilier à Camaret, après quelques parents, les Trévenoc de Kermeur, venaient maître Guivarc, Hervé, Balanec, tonton Corentin, Maradour, dont la joviale figure fondait en une expression inaccoutumée de navrement. La Gadec, Kerbonne, Tréboul, d'autres encore, précédant le groupe des femmes, où tante Rosalie et sa fille se trouvaient en tête, entre Yvonne et Marianique. Vers la Gatiard, la brume cessait presque subitement, comme si Penthyr et l'état de poids fussent absolument séparés du reste de la presqu'île. On apercevait même, sur la gauche, le sémaphore de Penhat, mais au-delà, le Toulinguet se noyait dans le même brouillard. Maître Guivarc les montra à Balanec, son voisin, et dit, hochant la tête, « Des endroits malsains, tout de même. Faut des poitrines solides comme nos vieux coffres. » appuya son interlocuteur, heurtant d'un coup de poing son torse massif, qui sonna sous le choc. « Pauvre petiote !» soupira Maradour. « C'était pas fait pour vivre ainsi dans les mauvaises brumes et les pluies. » La conversation roula sur les malheurs du même genre, s'abattant sur ceux que leur fonction appelait à habiter toutes ces terres avancées en bec dans la mer. Guivarc cita le Guen, un vieil ami à lui, le gardien du phare de Toulinguet. « Il est là depuis 32 ans, et compte y mourir, Madoué. N'empêche qu'il y a perdu 3 fils d'angine couenneuse, et que sa dernière fille, une gentille enfant tout plein, ne peut guérir de sa bronchite. Tenez, une toux dans la manière de cette pauvre défunte. » Que nous conduisons où vous voyez à ce jour d'aujourd'hui. Pas moyen d'élever un enfant dans cette damnée humidité. Ça vous poisse, qu'on dirait le corps et l'âme. Oui, oui, faisait Balanec. Quand j'étais à l'Armène, en pleine mer, c'était la même chose. J'ai dû quitter, car moi-même, tout solide que je suis, j'ai relaissé mes os. C'est-y drôle, tout de même, qu'on se passionne pour cette existence-là. Je ne voulais plus sortir de mon phare, et les jours qu'on me permettait d'aller à terre, je m'ennuyais. Tout le marin dans cette remarque naïve, tout l'homme de mer qui a, ainsi qu'une maladie dans le sang, cette adoration, ce besoin de l'océan, cette soif de la souffrance physique, du danger, de la menace de mort le talonnant sans cesse. Maintenant, Camaret est au-dessous d'eux, entre les moulins dont les grands bras se tendent immobiles, leurs voiles repliées comme des bateaux en rade. La côte de Léon disparaissait sous une pluie fine, un crachin, qui semblait entrer par le goulet, marcher sur Brest, tandis que le ciel s'étendait, bas, sombre, triste, écrasant la mer. C'était bien l'arrivée des mois noirs. La Bretagne s'engloutissait dans les brumes et les pluies, prenait pour de longues semaines son habituel voile de deuil, et cet enterrement de jeune femme morte en pleine fleur de jeunesse, après un an à peine de mariage, semblait en donner le signal. C'était un ensevelissement de tout. La mer et les pointes avancées de la côte, sous la brume, le pays sous la pluie, sous le sombre, sous le funèbre, avec ses chemins boueux, ses routes détrempées où battaient pesamment les pieds des porteurs de la bière, les pieds des assistants. Deuil de la nature s'unissant au deuil de Camaret. En haut du bourg, dans le clocher, la cloche sonnait de plus en plus distincte, frappant comme des coups sur le cœur de chacun. À l'église, dans la plainte gémissante de l'harmonium, dans le dièse irae répercuté par la voûte, au milieu des courtes flammes jaunes des cierges, ce fut une sorte d'accalmie, de détente. Mais quand le convoi reprit sa marche pour atteindre le cimetière, il sembla aux assistants qu'une froidure plus pénétrante encore coulait dans leurs veines. Plus d'un frissonna en venant se placer devant la fosse béante, où le cercueil gisait, à moitié enfoncé dans la boue jaune, sous une reprise de pluie fine et brouillassante. Les horizons s'effaçaient peu à peu, dévorés de nouveau par une recrudescence du brouillard opaque de la matinée, un envahissement accourant de l'Atlantique, comme si l'océan voulait tout envelopper de son pesant crêpe hivernal. Hervé Guivard eut un frémissement involontaire lorsqu'il vit Marianic, un mouchoir sur les yeux, se pencher au-dessus de la fosse pour le dernier adieu à son ami d'enfance. Il songea « Si c'était moi, là !» Tonton Corentin succéda à la jeune fille. Le revenant vit celle-ci serrer la main du patron du canot de sauvetage, tandis que leurs yeux se croisaient comme pour sceller un engagement devant cette morte, et Garrec semblait vouloir dire « Marianic, moi, je vous défendrai mieux. Je ne vous laisserai pas enlever comme cela. » Hervé allait s'élancer, faire un éclat, sans respect pour la sainteté de l'endroit, s'offrir lui aussi pour protéger sa cousine, mais une main se posa sur son bras, une voix fit très bas. « Viens avec moi, ta place est là, là. » Yvonne lui montrait, à quelques mètres, la croix blanche dressée sur la tombe vide. Toute colère s'enfuit de son cœur, soudain vidé de sang, comme si ses mots l'eussent crevé brutalement. Ce fut un rapide pressentiment lui mordant le cerveau, une âpre et terrible sensation de fin prochaine.